France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Nous avons cette semaine travaillé l'œuvre de Karl Marx en nous tenant éloignés des marxismes divers. Il est temps quand même de les évoquer. Quatrième épisode, marxisme au pluriel et philosophie, un vrai labyrinthe. Ce n'est pas si étonnant que cela que les marxismes aient pris des directions variées, car Marx lui-même, déjà de son vivant, se méfiait de ce qu'on était en train de faire de sa pensée. Friedrich Engels témoigne en effet deux fois dans sa correspondance de cette phrase prononcée par Marx « Tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste, moi ». Voilà qui incitait au nom même de Marx à d'infinis retours vers son œuvre pour récuser certains marxismes et pour en proposer d'autres alternatifs. À partir de la révolution soviétique, l'un des problèmes les plus aigus pour beaucoup de philosophes attirés par les analyses de Marx est la pesanteur de la doctrine dite marxiste-léniniste, doctrine qui donne entièrement les manettes aux partis communistes officiels partout dans le monde, et ce au besoin en muselant la parole des intellectuels et autres philosophes. Rosa Luxembourg fut l'une des toutes premières à critiquer vigoureusement cette vision du parti selon Lénine, et ce au nom de Marx lui-même. D'autres marxismes prendront sa suite. Quelle distance avoir par rapport au parti avec un grand P ? Cette question traverse à l'évidence les philosophies marxistes du XXe siècle. Bonjour Agnès Griveaux. Bonjour. Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'Université de Nantes, spécialiste de la théorie critique au sens qu'en donnait l'école de Francfort, singulièrement Horkheimer, Adorno, Marcuse. Cette mouvance intellectuelle était un peu organisée autour de l'Institut de recherche sociale créé en 1923 à Francfort, et elle était marquée par les analyses de Marx tout en prenant beaucoup d'autonomie. Vous nous en parlerez, Agnès Griveaux. Bonjour Franck Fischbach. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous aussi, vous nous parlerez un peu de la théorie critique. Vous êtes spécialiste de la pensée de Marx et de ses prolongements philosophiques divers. Et bonjour Frédéric Rambaud. Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Vous êtes spécialiste de plusieurs courants philosophiques contemporains qui sont critiques de l'ordre social existant, notamment les pensées de Foucault, Deleuze, Guattari. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Alors, à partir de la révolution soviétique, il n'est vraiment pas possible pour beaucoup de penseurs lecteurs de Marx d'accepter la mise au pas des intellectuels par les partis communistes. Deux livres, parus en 1923, ont marqué en profondeur la naissance de l'Institut de recherche sociale de Francfort. D'ailleurs, leurs deux auteurs ont siégé aux réunions de 1922, présidant à sa création. Il s'agit du livre de Karl Korsch, Marxisme et philosophie, et de celui de Georg Lukács, Histoire et conscience de classe. Alors Korsch, notamment, s'en prend aux lectures rapides, très autoritaires, de la 11e thèse de Marx sur Feuerbach. Je rappelle que dans sa 11e thèse, en 1845, Marx écrit « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. » Eh bien, au nom de cette thèse, on a beaucoup fait taire les intellectuels. Korsch n'est pas d'accord. Le dépassement de la philosophie, dit-il, signifiait tout autre chose que sa simple mise à l'écart. Cette phrase ne revient pas à déclarer que toute philosophie est une pure chimère, je le cite encore, elle exprime seulement un rejet catégorique de toute théorie philosophique ou scientifique qui n'est pas en même temps praxis, praxis réel, terrestre, praxis humainement sensible, au lieu de l'activité spéculative d'une soi-disant idée abstraite philosophique. Expliquez-nous tout cela, Agnès Griveaux. Est-ce qu'effectivement, il y a beaucoup de penseurs pour lesquels, attention, attention, si le marxisme, c'est la fin de la philosophie, c'est une catastrophe en matière de lecture de Marx ? Alors, en effet, et on peut rattacher cette idée d'une vigueur de la théorie et d'une grande importance de la théorie dans le marxisme à l'école de Francfort, qui est donc associée à l'Institut de recherche sociale fondé en 1923. Cet attachement à la théorie, alors il a plusieurs causes. Une des causes particulières de cet attachement à la théorie peut, en ce qui concerne l'Institut de recherche sociale de Francfort, être rattaché à la confrontation à l'histoire même et aux événements historiques en Allemagne. Puisque, vous l'avez rappelé, cet institut est fondé à la suite de discussions avec Korsch, par exemple, Pollock, des économistes, des personnes intellectuelles marxistes intéressées par plusieurs disciplines. Et le contexte historique est le suivant. La révolution en Allemagne n'a pas eu lieu. Elle a même été... failli avoir lieu. Voilà, elle a avorté, en quelque sorte, c'est exactement, ça 1919. Elle a été brutalement réprimée, par ailleurs, à la fois à Berlin et en Bavière. Et cet échec de la révolution est une mise en échec également de la théorie marxiste, hein, puisque en fait la révolution était censée pouvoir se passer dans des pays comme l'Allemagne. Est-ce qu'on peut préciser que même du point de vue de Marx, ça aurait été plus logique qu'elle se passât en Allemagne, qui est un pays quand même bien plus industrialisé que la Russie? Absolument. Et donc cette mise en échec de la théorie marxiste va conduire à un besoin de reconfiguration de la théorie au contact des événements. Et cette reconfiguration, elle aura évidemment toute son importance également face à la montée du nazisme et face au fait qu'il y a un vote ouvrier qui se dirige vers le nazisme et qui est là encore une mise en échec de la théorie au sens où le prolétariat était censé porter une mission historique révolutionnaire. Alors quelles conséquences en tirent les penseurs de l'école de Francfort marqués par Karl Korsch et par Georg Lukács? Comment on fait alors? Alors comment on fait? La singularité, à mon sens, de la proposition de l'Institut de recherche sociale de Francfort est de se tourner vers les sciences sociales pour essayer de reconfigurer la théorie marxiste. C'est-à-dire que la philosophie, désormais, doit dialoguer avec les sciences sociales. Alors ça nous paraît peut-être une idée banale aujourd'hui de dialoguer avec les sciences sociales, puisqu'elles sont très présentes dans l'espace intellectuel. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident. Les sciences sociales étaient émergentes, elles venaient de s'instituer. Et donc ces penseurs cherchent à mobiliser les sciences sociales pour avoir accès à la concrétude du monde social. Est-ce qu'on peut utiliser là un concept de Georg Lukács qui est accroître la visibilité? Il le dit tout le temps dans Histoire et conscience de classe, il faut essayer d'accroître la visibilité sur le social en gagnant du terrain par rapport à ce que Marx appelle l'idéologie, concept que nous avons analysé dans le deuxième épisode de cette série. Accroître la visibilité, c'est ça? Oui, tout à fait. Et aussi accroître peut-être la compréhension de certains phénomènes. Je donne juste un exemple, mais ce qui est important pour l'école de Francfort, et ils vont mobiliser une science particulière, enfin... ce qui est appréhendé comme science à leur époque, la psychologie et plus précisément la psychanalyse, ce qui va les intéresser, c'est cette idée que finalement, il faut prendre le psychisme au sérieux, par exemple, dans la théorie marxiste, qui était une théorie sociale, hein, qui dégage des lois sociales, des lois historiques. Mais le psychisme doit être pris au sérieux, tout simplement parce que les événements historiques qu'ils ont sous les yeux montrent que si l'on veut comprendre l'échec de la révolution en Allemagne, si l'on veut comprendre la montée du nazisme, il n'est plus possible de faire l'économie d'un travail sur le psychisme des individus et le psychisme des masses. Frank Fischbach, revenons donc à cette ambiance allemande du début des années 1920 et cette idée de Lukács qu'il faut accroître la visibilité. Lukács dit en même temps que pour ce faire, il faut être au plus près de l'instance que Marx avait quand même désignée comme l'instance de combat contre la classe dominante de l'époque, le prolétariat. Et donc Lukács écrit que c'est avec le point de vue du prolétariat, je cite, qu'un point est trouvé à partir duquel la totalité de la société devient visible. Ce qui veut dire que les théoriciens doivent travailler, mais comme le dit Korsch dans la citation que j'ai donnée juste avant, en lien avec la praxis, c'est-à-dire en ayant un pied dans les luttes réelles. Ce que Marx a fait, puisqu'il était actif, il a fondé la Première Internationale. Tous les penseurs dont nous parlons là, en particulier Adorno, Horkheimer, n'étaient pas franchement des grands militants. Est-ce que ce n'est pas un problème ? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, et très justement, vous avez commencé avec les textes, les deux grands textes de 1923 de Korsch et de Lukács. C'est-à-dire, c'est un changement d'époque dans l'histoire du ou des marxismes qui se produit là. Oui. C'est un changement de génération. Alors évidemment, Lukács est encore un peu un représentant de la génération précédente, au sens où il a encore été un homme politique. Il a eu un rôle dans la révolution en Hongrie. Hein. Il a été ministre du gouvernement révolutionnaire, mais c'est en fait un peu une queue de comète, une fin de comète. C'est-à-dire que la génération qui arrive là dans le marxisme européen, c'est une génération d'intellectuels, de théoriciens qui sont de moins en moins des dirigeants politiques. Oui. Alors que la génération d'avant, celle qui avait immédiatement suivi Marx lui-même et Engels lui-même, était toujours des fondateurs de partis, des dirigeants politiques de très haut niveau, mm-hmm. par ailleurs également des théoriciens. Mais là, on a affaire à une nouvelle génération qui, en effet, est de moins en moins celle de militants et encore moins de dirigeants, avec quelques exceptions, mais qui confirment la règle. Donc, Lukács l'a été encore un peu, si vous voulez, mais après, il se retire complètement de la direction politique. Hein. Bon, après, enfin, il va y revenir dans les années... Oui, il va y revenir, mais beaucoup, bien plus tard. Hein, dans la Hongrie socialiste... Le jeune Lukács ou vieux Lukács. Tout à fait. Hein. Voilà. Mais c'est l'autre grande exception, c'est évidemment Gramsci. Hein. Mais c'est une exception qui confirme la règle, en quelque sorte. Ouais, et Gramsci est un dirigeant, mais emprisonné. Donc, en même temps, c'est un peu spécial comme situation. Mais alors, ce que j'aimerais comprendre, lorsqu'on dit que, et c'est quand même ça la grande fidélité à Marx, me semble-t-il, il faut maintenant une théorie qui soit connectée à la praxis, ce que Marx appelait la praxis, qui est quand même le lieu des luttes autour de l'appareil de production, le lieu où la révolution doit advenir. Est-ce que à Francfort, autour de l'Institut, tous ces intellectuels qui ne sont pas très très engagés d'un point de vue, disons, militant, ne considèrent pas au fond que la vraie praxis maintenant c'est la théorie? Autrement dit, que la théorie peut être une sorte de praxis toute seule, parce qu'elle va se pratiquer justement autrement qu'avant. Est-ce que c'est une hypothèse d'interprétation correcte? C'est très juste, la théorie est elle-même comprise comme une pratique, mais ça, Marx l'avait déjà dit, et notamment dans le texte que vous évoquiez en commençant, les thèses sur Feuerbach. C'est très important de s'ancrer dans ce texte-là, puisque il a souvent été interprété par les marxismes dogmatiques comme signifiant une sortie de la philosophie, alors qu'en réalité, ce texte dit exactement l'inverse. Donc vous dites, comme Korsch et comme d'autres... Oui, bien sûr, ils ont tout à fait raison. Arrêter d'interpréter le monde pour le transformer, ça ne veut pas dire arrêter d'interpréter le monde. Bien sûr, au contraire, sinon Marx se serait arrêté en 1845. Donc il n'a cessé ensuite de produire de la théorie, et de la théorie sur l'économie, bien sûr, mais aussi sur la philosophie et sur la pratique philosophique. Donc ce texte, les thèses sur Feuerbach de 1945, qui ont été souvent vues comme une sortie de la philosophie, signifiaient au contraire littéralement l'inscription par Marx lui-même de sa propre entreprise dans l'histoire de la philosophie allemande. Et il le faisait justement sur le thème de l'activité et de la pratique. Donc ce n'est pas sortir de la théorie, mais changer de manière de faire de la théorie, tout à fait, c'est ça ? Tout à fait. Et c'est aussi comprendre que la pratique théorique est une pratique sociale parmi les autres. C'est-à-dire, faire de la théorie, ça s'inscrit dans la division du travail social. Ça, c'est une approche marxiste et qui est aussi celle des Francfortois, notamment dans les textes des années 30. Frédéric Rambaud, bon, je ne vais pas vous. Votre objet d'étude n'est pas immédiatement cette théorie critique avec un grand T de l'école de Francfort et première génération. Néanmoins, je voudrais vous poser cette question qui concerne des auteurs vers lesquels nous allons nous diriger progressivement dans cette émission. Est-ce que plus tardivement, les marxismes européens, et notamment français, on trouve des marques évidentes du marxisme chez Roland Barthes, on en trouve ensuite, même si c'est pour l'amender considérablement, chez Deleuze, chez Guattari, il y a toujours un pied quand même, un point d'appui chez Marx, même chez Foucault, qui pourtant a une théorie du pouvoir qui n'est pas littéralement marxiste. Est-ce que chez tous ces gens-là, l'enjeu, c'est quand même, en lisant Marx librement, de s'émanciper de l'autorité des partis communistes? Oui, alors, il y a... Bon, juste peut-être un point sur la question théorie et pratique auquel la discussion précédente m'a fait penser. C'est-à-dire, peut-être que la question, c'est pas distinguer théorie et pratique, mais quel est le point de départ dans l'investigation des rapports sociaux. Oui. Et c'est ça l'idée de Lukács que vous citez, le point de vue du prolétariat. Donc, est-ce que le point de départ, c'est dans l'analyse la plus scientifique possible des lois du capital, qui peut être une perspective sociologique ou historique, ou est-ce que le point de départ, c'est dans les techniques d'insubordination, dans les actes de révolte qui résistent à cette omniprésence du capital. Et je pense que ça, à l'intérieur même de chacune des traditions marxistes différentes, que ce soit la théorie critique, le post-structuralisme, c'est quelque chose qui divise l'héritage de Marx entre un versant qui serait plutôt économie politique et un autre versant qui serait plutôt politique subjective ou réelle de la politique marxiste. Et je pense que, voilà, quel est le point de vue à partir duquel on va interpréter les rapports sociaux, ça déplace la question de la théorie et de la pratique. Je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre, je veux être sûre que j'ai bien compris. Est-ce que ça veut dire que les partis communistes n'ont cessé de parler du point de vue du prolétariat? Ce que déjà Rosa Luxembourg disait, oh doucement, hein. Ce que Marx lui-même, parfois quand il lisait certains tracts de journaux qui se réclamaient de lui, disait, oh, parler du point de vue du prolétariat, c'est très difficile. Est-ce que finalement, les intellectuels dont nous parlons ne sont pas dit, bon, c'est pas le parti qui a le monopole du point de vue du prolétariat? Bon, il faut diviser parmi les philosophes dont vous parlez. Je veux dire, par exemple, la position d'un Althusser n'est pas une position de dissidence à l'égard du Parti communiste. C'est clair. Du tout. La position de gens comme Deleuze et Guattari et d'une grande partie de ce qu'on appellera le gauchisme de ces années-là, c'est le constat que le parti communiste qui était censé aboutir au dépérissement de l'État n'a fait en réalité que le renforcer. Et que donc, penser la politique comme une pensée, justement, qui a elle-même à trouver ses propres énoncés, ses propres conditions de possibilité, ça doit nous obliger à nous dissocier des catégories et de partis et de révolutions au sens de l'accomplissement de la nécessité historique. Donc oui, il y a une remise en question du parti, mais c'est pas seulement du parti, c'est de l'idée de l'organisation comme une avant-garde révolutionnaire qui viendrait surplomber l'ensemble des luttes singulières et particulières et vers laquelle il faudrait, comme on dit encore aujourd'hui, converger. Et on va voir d'ailleurs comment, en effet, vous l'annoncez, Althusser va se voir accusé à un moment donné d'être beaucoup trop proche de la ligne du parti, mais je laisse ça pour la suite de l'émission. Mais le parti, quand même, chez Marx, c'est quand même, c'est pas le parti au sens de l'hégémonie forcément du parti. C'est l'idée que c'est le seul moyen d'unifier la classe ouvrière en la divisant. Et voilà, c'était et ça le pari du parti communiste. Donc on devrait accepter le débat en son sein. C'est pas l'évangile, quoi. On peut discuter. Ce que précisément, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, le communisme officiel n'a pas beaucoup toléré. Mais je voudrais qu'on revienne à Horkheimer, à l'école de Francfort, à ce projet d'une nouvelle sorte de théorie qui serait une praxis elle-même, qui agirait, qui décortiquerait le réel et aiderait aux luttes diverses, et notamment à la lutte du prolétariat. Un point très important qui va quand même plus loin, c'est que très tôt, et surtout quand Horkheimer prendra la tête de l'Institut de recherche de Francfort en 1930, il dira que la domination est une chose complexe et que le primat de l'économie, comme le disait Marx, il faut peut-être remettre un peu ça en question. Donc il y a quand même un dialogue assez serré avec Marx. On écoute son texte de 1931, donc Max Horkheimer, « La situation actuelle de la philosophie sociale et les tâches d'un institut de recherche sociale ». Ce n'est pas seulement à l'intérieur de la philosophie sociale au sens strict, mais aussi bien dans les cercles de la sociologie que dans ceux de la philosophie générale que les discussions sur la société se sont progressivement et de façon de plus en plus patente cristallisées autour d'une question qui n'est pas opérante seulement de nos jours, mais qui est en même temps la formulation actuelle de problèmes philosophiques des plus importants et des plus anciens, à savoir autour de la question du rapport entre la vie économique de la société, le développement psychique des individus et les transformations dans les régions culturelles au sens strict, auxquelles appartiennent non seulement ce qu'on appelle les contenus spirituels de la science, de l'art et de la religion, mais aussi le droit, les mœurs, la mode, l'opinion publique, le sport, les divertissements, le style de vie, etc. Cependant, lorsqu'on croit que l'économie en tant que constituant l'être matériel est la seule vraie réalité, que la psyché humaine, la personnalité, tout comme le droit, l'art, la philosophie sont à dériver de l'économie sans qu'il y ait de reste, qu'ils sont le pur reflet de l'économie, c'est là du Marx abstrait et par conséquent mal compris. Sans même tenir compte du fait qu'on pose dans de telles thèses de façon absolue et naïve une distinction non critique, désuète et extrêmement problématique entre l'esprit et la réalité. Cela se passe autrement quand on pose la question d'une façon plus précise. Quel rapport peut-on établir pour tel groupe social à telle époque et dans certains pays, entre son rôle dans le processus économique, la transformation de la structure psychique de ses membres particuliers, et les idées et institutions qui agissent sur cette structure psychique prise comme ensemble dans la totalité sociale et qui sont produites par elle. On aperçoit maintenant la possibilité d'introduire de véritables travaux de recherche qui doivent être entrepris par l'Institut. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Max Horkheimer, un texte de 1931 lu par Riad Kera de notre équipe. Agnès Griveau, dans ce texte, Horkheimer dit, avec cette histoire de domination pensée exclusivement comme et de manière fondamentale comme venant de l'économie, on a exagéré, on a mal compris Marx. Quand même, je voudrais vous poser la question. Est-ce que Horkheimer incite ici à mieux comprendre Marx ou à le quitter un peu quand même? Alors, c'est le paradoxe, en effet, de ce programme de recherche de l'Institut de Recherche Sociale. Il est à la fois fidèle à Marx et en même temps en train de développer et de reconfigurer le marxisme par sa réflexion. Je partirai peut-être d'un passage du texte qui signale que le Marx abstrait et mal compris, qui ferait dériver l'esprit de l'économie, n'est pas le véritable Marx. Alors, à quoi pense Horkheimer ici? Il pense, comme je l'avais signalé tout à l'heure, il pense aux facteurs explicatifs de certains phénomènes historiques et sociaux qu'il s'agit de comprendre, dans une démarche également marxiste. Mais simplement, si l'on est véritablement marxiste, peut-être que c'est le sens que l'on peut donner à cette phrase, si l'on est véritablement marxiste, il faut toujours être vigilant sur les infrastructures et la vigilance concernant l'esprit. C'est que possiblement son infrastructure n'est pas simplement économique, mais peut-être aussi libidinale. C'est le grand apport en fait de ces débuts de l'Institut, de la même manière qu'il y a d'un côté la superstructure idéologique, institutionnelle, etc., et la base économique. De la même manière, pour la psyché individuelle, il y aurait la conscience avec ses représentations conscientes, etc., et puis l'inconscient fait de pulsions libidinales. Et cette dimension est à prendre en compte pour comprendre. En effet, le poids ou la dynamique de certains phénomènes sociaux. Donc, pour qu'on comprenne bien vos phrases, il me semble que ce que vous dites, c'est que l'infrastructure, qui est, nous l'avons vu dans notre série, est le nom que Marx donne à la base économique, où il y a de la domination d'une classe sur les autres, autour de l'appareil de production. Bon, Marx faisait tout dériver de là, tout le reste de la société part de là, enfin ça émane, il le dit, la superstructure émane véritablement de l'infrastructure. Vous dites que l'Institut de Francfort a dit, bon d'accord, il faut être vigilant, il faut toujours penser à ça, mais il y a d'autres choses qui sont au fond une sorte d'infrastructure, un truc de base quoi. C'est, alors vous dites c'est libidinal, vous voulez dire par là ce sont des données psychiques, mais quoi, d'une époque? Alors, c'est en effet une question délicate. Alors, libidinal, ça renvoie à la théorie de Freud et à cette idée que derrière les représentations conscientes que nous avons dans l'esprit, il y a aussi quelque chose comme des pulsions. Alors, des pulsions qui sont des désirs, des souhaits inconscients, refoulés, associés à notre vie sexuelle notamment. Et cette dimension-là... libidinale, justement, elle peut parfois donner lieu à des conflits. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a des conflits dans dans l'infrastructure économique, il y a des conflits dans le psychisme, à ce niveau-là précisément. Et ces conflits peuvent être parfois instrumentalisés à un niveau politique. Et c'est là qu'on débouche et qu'on peut saisir dans cet institut les recherches qui ont été faites sur ce qu'ils appellent la personnalité autoritaire, la soumission à l'autorité, l'efficacité de la propagande dans le fascisme. Donc il y aurait une sorte d'économie libidinale typique d'une époque, conjointement à la situation économique de cette époque. Vous voyez les choses comme ça aussi, Frank Fischbach? Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Je crois que ce texte est vraiment très très bien choisi et il est tout à fait représentatif de ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire de cette deuxième génération de marxistes post-1924, on va dire, et à partir des années 20 et 30, et dont on comprend l'intervention quand on commence par rappeler, comme vous venez de le faire, ces deux éléments typiques de la théorie marxiste traditionnelle, infrastructure, superstructure. On peut dire que ce marxisme-là, cette génération-là, et ça va au-delà de la seule école de Francfort, parce que c'est vrai aussi de Gramsci, par exemple, en même temps, c'est un marxisme qui investit la superstructure. Hein, c'est-à-dire que c'est un marxisme qui investit ce qui est délaissé par le marxisme, l'autre marxisme en voie de dogmatisation, oui, à l'est de l'Europe. C'est-à-dire les idées, les phénomènes, oui, d'engagement politique, les institutions. La culture, oui, hein, la production culture, culturelle, oui, tout, donc le psychisme, la culture, le droit, la politique, toutes ces choses-là, qui ont une part d'autonomie et qui sont capables de déterminer en retour l'infrastructure et de jouer un rôle. Ce qui est une idée qui n'est pas étrangère à Marx même. Mais qui est quand quand même on lit un peu... Brumaire, on s'en aperçoit. Est-ce que vous pensez que quand même l'Institut de Francfort a un peu quitté Marx en allant si loin? Ah, c'est compliqué. Il quitte un marxisme, ça c'est très clair. Un marxisme, oui, dogmatique, un marxisme inféodé à un appareil d'État, une idéologie officielle. Là-dessus, les Francfortois seront cohérents jusqu'au bout, même après la Deuxième Guerre mondiale. Hein, et ils demeureront hyper critiques, si je puis dire, à l'égard de toute transformation de l'approche marxiste en idéologie officielle et idéologie de parti et d'État. Hein, mais ils s'éloignent de cela, mais aussi quand même en revenant à certains aspects de la pensée de Marx, mmh, qui ont été ignorés par ce marxisme auquel il s'oppose. C'est-à-dire, au fond, il y a des textes de Marx qu'on lisait moins. Tout mettre dans le Capital, ce serait une erreur. Marx s'est beaucoup intéressé à la politique, aux idées. On pourrait rappeler qu'il s'est intéressé aux archives de police, par exemple, en allant chercher des documents sur le suicide et la criminalité rassemblée par Jacques Peuchet, qui était dans les archives de la préfecture de police de Paris. On pourrait rappeler aussi qu'il a pratiqué le journal même tout en écrivant le Capital. Il suivait pour la New York Daily Tribune la situation des idées, des opinions dans les élites britanniques qui avaient un jugement pour le moins étonnant sur la guerre de sécession. Il a écrit au début de la guerre de sécession. Souvent on a dit oui, bah, il faisait ça pour gagner sa vie, quoi. Mais c'est peut-être pas vrai. Il écrivait, d'ailleurs les textes le montrent, il a mis une énergie là-dedans. Donc au fond, l'idéologie, il fallait pas la fuir, il fallait s'y confronter, la décortiquer, essayer de la défaire un peu en allant sur son terrain, c'est ça, Franck Fischbach? Oui, bien sûr. Et ce que vous dites, d'abord, s'il avait fait ça pour vivre, ben, c'est un peu raté parce que ça ne lui a pas apporté beaucoup. Mais par ailleurs, il faudrait ajouter à ce que vous venez de dire son intérêt constant pour l'art et la littérature. Oui. Marx n'a jamais considéré que la littérature était un reflet de la structure économique. Et c'est absolument impossible qu'il pense une chose pareille quand l'admiration qu'il avait pour Balzac prouve que l'œuvre de Balzac n'est absolument pas compréhensible si on en fait un simple reflet de structure économique. Donc ça, c'est des choses qui ne se trouvent pas chez Marx même. Hein. Mais aller sur le terrain même de l'idéologie, bien entendu, oui, parce que, si vous voulez, pour Marx, on ne peut jamais se défaire de façon définitive de l'emprise de l'idéologie. C'est un combat permanent. Hein, donc, dans le travail théorique, on est toujours confronté à la dimension idéologique, oui, de son propre, qui est celle dans laquelle on évolue spontanément. Donc, c'est un travail, produire de la théorie, c'est un travail permanent contre l'emprise sur le théoricien lui-même de l'idéologie sociale dans laquelle il est. Donc, il n'y a pas une coupure. Il n'y a pas une coupure, mais c'est un terme, vous savez, très marqué. On va y venir. Il y a un penseur qui jugeait qu'on pouvait couper. Il arrivera un peu plus tard. Et c'est Althusser. Mais là, ce que vous dites, c'est que plutôt on est chez avec Francfort, mais peut-être aussi Frédéric Rambaud plus tard, avec Foucault, avec Deleuze, avec Guattari, des gens qui lisent Marx librement, qui ne pensent pas que tout est économique dans la domination et qu'il y a des combats à mener sur le plan des idées. Absolument. Et c'est d'ailleurs, vous faites bien de le rappeler, parce que c'est étonnant ce rapport qu'on peut faire avec le texte d'Horkheimer, c'est-à-dire l'idée de qui va traverser comme ça la tradition marxiste à plusieurs reprises, qui est une exigence incessante d'essayer de sortir de cette dialectique de l'universelle contradiction qui file comme ça de Engels à Mao entre les conditions sociales d'existence et les formes de conscience. Donc vous voulez dire qu'il faut se confronter à l'idéologie, comme vient de le dire Frank Fischbach, et les formes de conscience un peu aliénées, hein, d'une époque, liées à la vision de la classe dominante, mais dedans, on a un peu de marge de manœuvre critique, on peut s'en dégager, on s'y frotte et puis on se décale, c'est ça qu'il faut faire ? Non, c'est plutôt l'idée qu'il faut cesser de considérer les formes de conscience comme de simples effets ou de simples résultats des conditions sociales d'existence. Il faut arriver à investir toute cette dimension du subjectif, y compris ce qu'il a de libidinal, pour lui-même, en immanence, et pas comme un simple reflet. Et c'est ça qui va donner lieu, puisque vous en parlez, dans les années 60-70, à ces théories de la subjectivation, c'est-à-dire de la constitution et de la formation de la subjectivité, en prenant au sérieux ce qui auparavant pouvait être considéré, y compris par le dogmatisme marxiste, comme des phénomènes superficiels, dérivés, secondaires, les paroles, les désirs, les imaginations, en leur donnant l'importance de ce qui est le plus grave et le plus matériel. Alors, nous parlons ce matin, pour le quatrième épisode de notre série sur l'œuvre de Karl Marx, des marxismes. Marxisme au pluriel et philosophie, un vrai labyrinthe, parce que je ne vais pas mentir aux auditeurs, ce sont des fils qui se tissent au cours du XXe siècle, avec des conflits, mais aussi des liens entre eux. Enfin, c'est assez complexe. Et puis, à ce stade, je suis en compagnie d'Agnès Griveaux, de Frédéric Rambaud et de Franck Fischbach pour tirer les fils, justement, pour nous aider. À ce stade, je crois, puisque vous l'avez cité deux fois, Franck Fischbach, qu'il est temps de parler un petit peu d'Antonio Gramsci, qui est en prison à partir de 1936. Mussolini l'a mis en prison. On écoute une interview de Romain Descendre à propos de Gramsci. Là, on est en 1917, 1918, 1919. Gramsci se plonge complètement dans Marx, une première fois. Plus de 10 ans plus tard, une fois qu'il est en prison, il fait un retour à Marx qui, désormais, alors va toujours dans la même direction. Un Marx penseur de l'action, un Marx penseur du changement politique, qui révolutionne complètement la pensée politique, bien sûr, mais surtout un Marx qu'il faut repenser contre ce qui est appelé à ce moment-là, notamment par Gramsci, le matérialisme vulgaire ou le marxisme orthodoxe, porté désormais par la Troisième Internationale, dont l'un des livres catéchismes fondamentaux est un livre de Boukharine et qui est après repris, continue à être fondamental à partir du tournant stalinien à partir de 1928-1929 quand lui est en prison. Et c'est contre ça qu'il repense Marx entièrement. C'était Romain Descendre sur France Culture en mai 2023. Pardon, ma langue a fourché. Gramsci n'est pas en prison à partir de 1936, il l'est à partir de 1926, bien sûr. Franck Fischbach, Gramsci pensait qu'on pouvait lutter avec des idées sur le terrain de l'idéologie. Il a forgé une expression, l'hégémonie culturelle, qui est un petit peu surutilisé. Vous pourriez clarifier un peu les choses concernant ce qu'a dit Gramsci. Oui, alors c'est compliqué. D'abord, je ne suis pas un spécialiste de Gramsci, la chose est rendue d'autant plus compliquée que un certain nombre d'idées de Gramsci, et notamment celle que vous venez de mentionner, cette idée de construction de l'hégémonie culturelle, est quelque chose qui, ces 20 ou 30 dernières années, a été plus reçu à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. C'est-à-dire cette idée que dans les années 60, 70 et encore 80, la gauche aurait l'hégémonie culturelle et beaucoup de cercles de droite ont dit maintenant il est temps de passer à l'offensive pour gagner l'hégémonie culturelle. Ils l'ont fait explicitement en rapport à Gramsci en citant ses textes et on peut estimer qu'ils n'ont pas tout à fait échoué dans leur entreprise si on regarde les 30 dernières années, si vous voulez. C'est peut-être à cause de la structure économique, dirait un marxiste. C'est pas à cause des idées. Oui, mais alors justement, là, ça serait revenir à un marxisme traditionnel, celui-là même auquel Gramsci se heurte. Non, c'est-à-dire que effectivement, chez lui, il y a l'idée que il s'agit de construire un mouvement populaire, je dirais, hein, et la catégorie du populaire est très très importante chez Gramsci. Elle relaye celle du prolétariat, en fait, du marxisme traditionnel, mais le populaire c'est beaucoup plus large. D'abord, c'est pas une seule classe, ça peut être plusieurs composantes, hein, ça peut être une alliance de classes, d'ouvriers, de paysans, de ce qu'on appellerait aujourd'hui des classes moyennes. Et il s'agit de construire au fond une vision du monde, hein, pour ces groupes sociaux, vision du monde qui est capable ensuite, hein, de conquérir, enfin de s'imposer comme le cadre culturel dans lequel on pense la politique, on pense les institutions juridiques et étatiques, etc. Voilà. Donc comme le marxisme non orthodoxe, en tout cas pas celui du Parti communiste officiel, Gramsci dit on peut lutter sur le plan des idées, on est peut-être soumis fortement à l'idéologie, mais on n'est pas complètement démuni face à elle. Enfin, on peut lutter sur ce terrain-là, on peut même enregistrer des victoires sur ce terrain-là, y compris lorsque, du point de vue de la structure économique, on est en position défensive. Alors maintenant, il est temps d'aborder l'ambiance des années 1960, qui ont été un moment d'effervescence sur le plan des actes, bien sûr, mais aussi sur le plan de la pensée. Et je vous propose, pour introduire tout cela, d'écouter un très très grand penseur, me semble-t-il, marxiste, penseur très important du XXe siècle, c'est bien sûr Henri Lefebvre. En 58, nous sommes battus et je sens qu'une nouvelle période se prépare. Que la protestation, la contestation va abandonner le mouvement communiste, que j'estime dépérissant, et qu'elle va prendre des formes extérieures à ce mouvement. En 58, c'est un pressentiment, mais c'est un pressentiment qui va se vérifier tout de suite, qu'une nouvelle période, celle qui va être de la contestation radicale, se prépare. Et bientôt, c'est confirmé tout de suite par la montée de Fidel Castro, par les mouvements d'étudiants, par tout ce qui va culminer en 1968. Et alors, si je quitte à ce moment-là le parti communiste, c'est par exemple en publiant un manifeste du romantisme révolutionnaire et puis quelques autres textes dont je puis dire qu'ils sont des espèces de jalons à l'entrée de la période nouvelle. Alors, ce n'est pas une simple humeur subjective, ce n'est pas simplement un épisode ou un fait tout à fait contingent, un hasard personnel, c'est quelque chose qui marque une certaine date, une certaine période. Est-ce une période nouvelle pour vous ? Oh, pas seulement pour moi, une période à l'échelle mondiale, puisque ça va culminer avec 1968, c'est-à-dire la mise en cause simultanée du capitalisme d'État à Paris et du socialisme d'État à Prague. Et puis aussi la révolution culturelle, enfin, hein, et puis les mouvements d'étudiants aux États-Unis et ainsi de suite, la guérilla urbaine en Amérique latine. Enfin, c'est une période qui se termine en 1972 environ et nous entrons en 1972 dans une autre période. C'était Henri Lefebvre dans Radioscopie sur France Inter en 1975. On va dire un mot quand même d'Henri Lefebvre. Il n'a pas été tout à fait étranger à la mouvance École de Francfort. Dans les années 1930, il a publié avec Norbert Guterman un livre qui porte justement sur le problème de l'idéologie chez Marx, qui s'appelle La conscience mystifiée. Donc Agnès Griveaux, on a souvent l'impression que, et c'est assez joli, enfin il me semble que la théorie critique Francfort diffuse incroyablement largement au XXe siècle dans des pensées qui ont un lien à Marx, un lien assez libre, et Francfort est là, c'est une espèce de noyau d'où partent plein de lignes. Absolument, tout à fait, et c'est lié en partie à l'histoire singulière de l'Institut de Recherche Sociale, puisque le point de contact avec la France s'est fait à un moment où l'Institut devait, pour des raisons liées à la montée du nazisme, quitter progressivement l'Allemagne, et donc l'Institut a eu des antennes en Suisse, mais également en France, à l'École Normale Supérieure, il y a eu des points de contact qui ont en effet nourri considérablement la pensée. Ça a été la même chose lors du séjour de l'exil aux États-Unis. Alors, donc, que dit là Lefebvre, semble-t-il, qu'on est obligé, les événements des années 60 nous obligent franchement à en finir avec un marxisme orthodoxe. Ce n'est pas que l'économie qui gouverne le monde, il y a des mouvements d'émancipation contre la domination qui partent dans tous les sens, qui concernent aussi bien, disons, des manifestations, des émeutes, mais aussi dans la pensée. Il y a des mouvements qui vont naître, des théories nouvelles. On ne peut pas réfléchir, Frédéric Rambaud, aux années 60-70, à Foucault, à Deleuze, à Guattari, sans cette ambiance. Oui, c'est-à-dire que dans les années 60, c'est Mario Tronti qui décrivait 68-69 comme une explosion de subjectivité. C'est-à-dire une explosion de luttes particulières, que ce soit la lutte des détenus sur leurs conditions matérielles, les luttes féministes, évidemment, le début des luttes écologistes ou environnementales, les luttes des psychiatrisés, qui ont beaucoup intéressé Guattari, des luttes de libération nationale dans le monde entier, évidemment. Et ce sont des luttes, notamment ces luttes des psychiatrisés, des détenus féministes, qui collent pas au rapport travail-capital, qui sont plus centrées sur les conflits économiques dans le monde du travail, donc qui obligent à décentrer ce schéma marxiste et à penser, au fond, comment les hiérarchies de classe dans la division internationale du travail ne sont de classe que parce qu'elles sont aussi de genre, de race, de civilisation, et que donc il faut replacer les contradictions de classe dans une position relative avec d'autres systèmes antagonistes, que ce soit le système antagoniste nord-sud, homme-femme, ou encore les différents types de temporalité au sein même de la machine capitaliste. Et donc ces luttes-là font du marxisme, c'est Guattari qui a employé cette belle expression, non pas une seule pensée, mais un filum marxiste qui ne cesse de grossir, de se différencier, de s'approfondir, et qui empêche d'en donner une image réifiée. Et pourtant, c'est un point très important pour comprendre les marxistes du XXe siècle, il y a au milieu des années 60 un personnage qui ne croit pas qu'on puisse lutter uniquement avec des idées face à l'idéologie, qui a une approche de l'idéologie au sens de Marx comme quelque chose qu'il faut quitter, et c'est Louis Althusser. Louis Althusser, Frank Fischbach, a théorisé ce qu'il appelait la coupure épistémologique, je lis dans Pour Marx, la coupure épistémologique divise, affirme Althusser, la pensée de Marx en deux grandes périodes essentielles. Il y a eu une période idéologique avant 1845, puis Marx est entré dans un moment scientifique, celui du capital. Et donc tout ce qui n'est pas vraiment fidèle à cette méthode scientifique reste embourbé pour Althusser dans l'idéologie de la classe dominante. C'est exactement ce que l'époque ne veut pas entendre, et pourtant Althusser a un énorme succès. Oui, alors même dans sa position, elle est certainement plus nuancée, hein, en réalité. C'est vrai qu'on retient, parce que c'est les premières pages, hein, de Pour Marx, cet emprunt fait à Bachelard de l'idée de coupure épistémologique avec un dehors de la science qui est l'idéologie et puis la science même. Mais c'est quand même plus compliqué que ça. D'abord, la coupure, elle est peut-être plus entre idéologie et théorie, hein, que science. C'est-à-dire, le problème, c'est de savoir comment on produit, on revient à ce qu'on disait en commençant, hein, comment est-ce qu'on produit de la théorie en luttant contre l'emprise de l'idéologie? Et il y a beaucoup de textes d'Althusser qui relativisent, enfin, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui relativisent la coupure, si je puis dire, c'est-à-dire en montrant qu'on n'en a jamais fini de lutter contre l'idéologie. Il y a même des textes de lui, y compris d'ailleurs à la fin de Pour Marx, parce qu'on pourrait dire, c'est oui, mais c'est des textes des années 70, 10 ans plus tard, pas du tout. Le texte Humanisme et Marxisme à la fin de Pour Marx dit clairement que l'on baigne dans l'idéologie, c'est-à-dire la vie sociale fabrique de l'idéologie. Et il va même jusqu'à dire qu'une société émancipée, post-capitaliste, sera encore marquée par l'idéologie. Hein ? Alors on va l'écouter, je vous propose. Louis Althusser s'exprimait donc en 1963, on l'écoute. Le matérialisme représente l'exigence de se débarrasser de toutes les illusions, de toutes les idéologies, de tout ce qui sert de masque à une activité qui ne se reconnaît pas telle qu'elle est. D'une part, par conséquent, critique de l'idéologie qui assiège toute forme d'activité, que ce soit l'activité scientifique, l'activité politique, l'activité artistique, etc. Ce côté de la critique des illusions, de la critique des mythes, est profondément ancré chez Marx, c'est absolument radical. Critique de la conscience, critique donc de toutes les illusions, c'est la première exigence du matérialisme. La seconde exigence du matérialisme, c'est, et celle-là est évidemment beaucoup plus profonde encore, car la première n'est que critique, mais la deuxième est positive. C'est de considérer que toute activité humaine est située dans l'histoire. Que cette situation dans l'histoire ne peut pas être comprise simplement par un simple mot, comme un certain nombre de philosophes le font maintenant. Ce n'est pas l'historicité qui explique le fait d'appartenir à l'histoire, l'appartenance à l'histoire. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de savoir à quel champ historique déterminé une activité appartient. C'est-à-dire à quelle structure sociale existante, à quelle formation sociale existante, une activité déterminée appartient. et c'est de savoir sur quoi est fondée cette formation sociale déterminée, c'est-à-dire de connaître le mode de production dominant sur lequel toute une formation sociale est fondée. Frédéric Rambaud, Althusser nous dit, si j'ai bien compris, qu'il y a dans chaque époque des structures profondes, et que c'est ça qu'il retient du marxisme, et il est très sévère à l'égard de toutes les idées où des subjectivités s'expriment, prétendent s'émanciper. En fait, elles sont encore prisonnières de l'illusion. Veut-il dire par là que quelque chose comme la science, avec un grand S, est capable de regarder l'histoire en termes de structure et donc finalement d'installer un point de vue qui n'est pas celui de quelques sujets épars, mais qui est celui, ce qu'il appelle le procès sans sujet, ce qui est au-dessus de toute subjectivité. Il y a une prétention vraiment à trouver quelque chose qui est au-dessus de tous les jugements subjectifs. Oui, bon, peut-être pas au-dessus, mais en fait, l'idée d'Althusser, c'est que, comme le disait très bien Frank Fischbach, on ne va pas en finir avec l'idéologie, tout simplement, parce que l'idéologie, c'est la manière dont les gens vivent le rapport qu'ils ont à leurs conditions d'existence. Ça a une fonction, pratico-sociale, qui est d'articuler ce vécu. Donc, de toute façon, toutes les luttes concrètes produisent leurs idéologies, parce que c'est la manière dont les gens vivent. Et la théorie, ce qui suppose une certaine idée de la science avec un grand L, si je puis dire, oui, chez Althusser, est là pour corriger, pour rectifier ces idéologies parmi lesquelles il y a ces facteurs subjectifs ou ces subjectivités qui n'ont plus d'autre place que celle d'une illusion très comparable à l'illusion transcendantale dans la critique de la raison pure. Mais évidemment, ça n'empêche pas que cette idée de la science, haute idée de la science, est au service des luttes concrètes. C'est-à-dire que l'idée d'Althusser, c'est quand même que les défaites dont vous parlez, les défaites notamment les défaites du prolétariat, viennent pas de la force de l'adversaire, mais viennent de la propre faiblesse de notre projet d'émancipation, ce qui aujourd'hui quand même peut nous interpeller. Et que donc, c'est à chaque fois une faiblesse de la pensée, voire même une déviation philosophique qui explique les défaites du prolétariat. Et c'est contre ça aussi, contre cette idée de l'idéologie, que vont se lever des Althusseriens, je pense évidemment à Jacques Rancière, la leçon d'Althusser, qui va rompre avec... C'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, avec Althusser. Je vais lire quand même Jacques Rancière, qui rompt en 1974, qui dit l'histoire, selon Althusser, n'est connaissable et faisable, entre guillemets, que par la médiation des savants. Voilà qui lui offrait une place, celle d'une orthodoxie neuve, qui, à la place des mitraillettes jdanoviennes, a mis des garde-fous, une nouvelle orthodoxie. Alors, bien sûr, il ne s'agissait pas de fonder le Parti communiste et son point de vue à lui, mais, ajoute Rancière, il n'en reste pas moins que ça empêchait ce désir d'atteindre les structures qu'on contesta le point de vue du Parti communiste. Il sera encore plus sévère dans la réédition de 2011, il écrira que l'althussérisme a contribué à regarder le mouvement de révolte étudiant 68 comme un mouvement de petits bourgeois, victime d'une idéologie qui respirait sans le savoir plein de choses idéologiques et qui devait, je lis encore, être rééduqué par l'autorité de la science et du parti. Mmh. Althusser est apparu comme un agent de l'Union soviétique. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est l'idée que la coupure science-idéologie chez Althusser, elle n'a pas seulement la fonction de fonder la science de l'histoire chez Marx et aussi le matérialisme dialectique, c'est-à-dire une nouvelle philosophie, elle a aussi une fonction stratégique. Et sa fonction stratégique, c'est de rapporter le cours des révoltes idéologiques et de l'explosion de révoltes anti-autoritaires qui ont lieu à cette époque-là à l'autorité sous toutes ses formes. Mais est-ce que ça veut dire que cette époque, il y a ceux qui ont condamné 68 comme n'étant pas une vraie révolution communiste, c'est ce que va faire Althusser, et ceux qui vont dire, écoutez, ça suffit, le parti, la science, il s'est passé là quelque chose de très important. On ne peut plus penser sans les révoltes qui ont lieu tous azimuts. Absolument, et c'est aussi une modification, vous avez entièrement raison, c'est aussi une modification dans le concept qu'on se donne de la théorie. C'est-à-dire pour des gens comme Rancière, mais aussi d'une autre manière très différente pour Foucault ou encore pour Deleuze et Guattari, oui, la pensée, c'est quelque chose qui se réalise dans des séries d'institutions, dans des règlements, dans des stratégies sociales, dans des discours polémiques. Et donc, une théorie, c'est pas, comme pense Althusser, ce qui se rapporterait à d'autres théories ou à des idéologies qu'elle critiquerait, c'est un ensemble, une organisation restreinte, spécifique, des éléments de cet ensemble. Mmh. Et ce qui marque 68, c'est l'élimination des hiérarchies entre les niveaux du savoir, entre le populaire et l'intellectuel, entre le politique et le social. Et c'est ça qui s'affronte à la coupure science-idéologie qu'affirme Althusser. Donc, quel est le Marx, par exemple, d'un Foucault ou d'un Deleuze allié souvent dans l'écriture à Guattari? C'est justement un Marx qui n'a rien à voir avec celui d'Althusser, qui nous aide au contraire à affirmer des subjectivités en révolte, tout ce que déteste Althusser, hein, qui ne veut pas de sujet. Au contraire, c'est ça qui va se jouer dans ses œuvres philosophiques, matinées un peu de marxisme. C'est-à-dire, par rapport, à mon avis, il y a un double enjeu. D'abord, l'idée d'introduire dans la politique des éléments non politiques. Hein, ce dont on parlait tout à l'heure à propos du texte d'Horkheimer, que ça soit le désir inconscient, que ça soit la libido, que ça soit plus tard l'éthique ou même la spiritualité chez Foucault, incorporer des éléments non politiques dans la politique, c'est un premier déplacement par rapport au marxisme. Oui. Au même moment, d'une certaine manière, c'est ce que fait l'art contemporain de la même manière, en introduisant des éléments de non-art ou d'anti-art dont la politique dans l'art. Donc ça, c'est un premier déplacement. Et ensuite, il y a une nouvelle analyse à partir des thèses marxistes, à partir du Capital, donc c'est une fidélité à Marx, mais une fidélité faite d'écart, qui tient compte des transformations du Capital. Ouais. Et une nouvelle pensée de l'organisation. Comment vous concluriez, je sais que c'est très difficile, Frank Fischbach, mais j'ai envie de dire à la fin de cette émission, Althusser a été un moment très important, même Foucault dit ses dettes, enfin beaucoup de gens disent leurs dettes à son égard, mais l'histoire théorique, l'histoire philosophique a montré que des mouvements comme l'école de Francfort par exemple, diffusent bien plus largement désormais en philosophie que la pensée althussérienne. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, fait, la théorie critique d'origine francfortoise est restée bien plus vivante jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle a toujours ses représentants aujourd'hui même, aussi bien en Allemagne, en France ou aux États-Unis. Donc c'est une branche vivante de post-marxisme, disons, très post-marxisme, enfin post-marxiste quand même, alors que l'althussérisme est resté sans descendance. Alors il faudrait, enfin, il y en a sans doute un peu, hein, mais peut revenir d'abord, hein, et puis après je ne voudrais froisser personne en disant qu'il n'y a pas de descendance, il y en a certainement, mais ce n'est pas comparable, disons, à la manière dont la théorie critique de Francfort a essaimé. Hein. Alors je ne sais pas trop à quoi ça tient, mais il y a des choses importantes chez Althusser, et je pense que l'importance de la théorie, c'est-à-dire y compris l'importance de la théorie pour un mouvement émancipatoire, hein. C'est-à-dire on peut pas dans la pratique militer pour l'émancipation, la désaliénation, la fin de l'exploitation, sans une théorie, sans avoir la dimension théorique et une dimension théorique forte. C'est pour ça que c'est très injuste le texte de Rancière. Quand même, vous trouvez ? Je trouve qu'il a évidemment, il s'oppose au maître, hein, ouais. Mais je sais pas, vous pensiez ça. Il sait très bien. Intéressant. C'est dans l'immédiat qu'il dit cela, mais bon. C'est plus complexe que cela, vous pensez, que le texte de Rancière. Oui, c'est plus compliqué. Entendu. Whatever happened to them? Quelle ambiance, hein, musicale, vous la devez à Riad Kera, notre réalisateur. Il s'agit de No More Heroes de The Stranglers, une chanson de 1977. À présent, je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui cette semaine réfléchit au thème de l'actualité. Voici le pourquoi du comment. Comment pouvons-nous agir dans l'actualité ? Le terme d'actualité qui résiste en quelque sorte à sa disparition, qui persiste et que nous utilisons pour désigner ce qui nous arrive, ce que nous attendons, ce que nous regardons comme important, le terme d'actualité pourtant ne garde pas grand-chose en apparence de son étymologie. Le terme d'actualité semble désigner, peut-être malheureusement pour notre plus grande souffrance, non pas ce que nous faisons, ce que nous agissons, une dimension d'action, d'acte, mais au contraire ce qui s'impose à nous, ce qui tombe tout seul. L'actualité, désormais, c'est la catastrophe qui nous tombe dessus, qui nous domine. Et alors, nous nous demandons, y a-t-il encore de l'action dans l'actualité? Et si c'est l'action, l'action de qui? L'action dont nous sommes des spectateurs? C'est l'actualité du football? C'est l'actualité du cinéma? C'est l'actualité de la politique? Et notre actualité, alors, où est-elle? Faut-il viser, comme disait Andy Warhol, à avoir chacun son actualité de 2 minutes, c'est-à-dire être au sommet de sa gloire, mais pendant 2 minutes? Est-ce cela le sommet de l'actualité, un peu rejoignant malgré tout le sens philosophique ancien de la notion d'actualité, au sens où chacun, à un moment, vise à atteindre sa perfection, sa forme. Pour Aristote, l'actualité de quelque chose, c'est son essence. Tout possible tend vers un réel qui est sa finalité, qui est son but. Et alors peut-être l'ironie de l'époque médiatique, c'est que nous atteignons notre actualité quand nous nous révélons pendant 2 minutes dans notre célébrité médiatique, au lieu d'atteindre une essence profonde qui nous permet de survivre. Pourtant, la dimension de l'agir dans l'actualité reste nécessairement fondamentale. Paul Ricoeur avait montré dans Soi-même comme un autre comment, au fond, peut-être le plus important dans la vie humaine, ça n'est pas le résultat, l'actualité, mais le produire. Et parmi les notions grecques, non pas l'essence, l'entelekeia, pour être un peu cuistre, le résultat, le but, mais le processus, l'énergie, energeia, c'est-à-dire cette énergie qui nous fait produire l'actualité. Il faut retrouver l'agir dans l'actualité qu'on nous impose. Qui a fait quoi? Qui a joué au football? Qui a produit tel film? Qui a produit telle action politique? Et il faut aussi retrouver, bien entendu, notre capacité d'agir dans l'actualité. Nous ne pouvons pas seulement subir l'actualité des autres. Il faut agir, produire notre actualité, puiser dans nos ressources et non seulement peut-être agir dans l'actualité et pour produire notre actualisation personnelle, ce qui est absolument fondamental. Disons, puiser dans nos possibles, ne pas les laisser virtuels, ne pas souffrir de ce que nous n'avons pas su réaliser, comme nous le disons encore aujourd'hui. Agir, c'est réaliser quelque chose, mais aussi agir non seulement dans l'actualité, mais sur l'actualité. Comment pouvons-nous intervenir dans l'actualité du monde? Quel possible devons-nous actualiser pour résister à ceux qui semblent s'imposer à nous aujourd'hui? L'actualisation, le retour de l'actualisation du pire, le retour de l'actualisation de la guerre, qui est toujours impossible parmi les humains. Comment pouvons-nous agir pour actualiser d'autres possibles? Il faut puiser dans les virtualités que nous avons, dans les forces que désigne ce mot de virtualité, ne pas attendre que les possibilités logiques, dans le ciel des possibles, s'incarnent ou se réalisent toutes seules. L'actualité dépend de notre agir individuel, collectif, de notre perception de l'actualité. Oui, on peut agir pour le meilleur, l'actualité ne se fera pas sans nous. Merci Frédéric Worms et merci Agnès Griveaux, Franck Fischbach et Frédéric Rambaud pour vos analyses de certains grands courants philosophiques marxistes au XXe siècle. Bien sûr, nous n'avons pas été exhaustifs. Les références de vos travaux sont sur notre site. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Celle-ci a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Marie-Claire Roumabadi et préparée en particulier par Louise Labarthe. Merci au reste de l'équipe, Anna Fulpin, Carla Michel, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité !